émission, une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial monstre marin. Spécial monstre marin sur Skyrock entre 20h et 21h, à l'instant même où l'Italie est éliminée de ce mondial 2014. Ça fait plaisir. Yeah. Uruguayen. Aria, je savais pas que tu voulais. On compatit. Bon, Aria est là. Aria, c'est le label manager, comme on dit aux States, label Monstre Marin, le label monté par Maître Gim. C'est ce soir, donc il y a des nouveaux monstres marins. On les a lâchés ce soir exceptionnellement. Exactement. Bon, hier soir, on a appris donc la nouvelle signature Mike Taylor. On va y revenir dans le petit replay d'hier soir dans quelques minutes. Et donc ce soir, c'est quoi? C'est la nouvelle génération. Nouveau groupe. Les Marine Monsters. Donc les Marine Monsters, en effet, puisque c'est aussi un groupe. Yes. Formé par Belgique et Yanso du Nine. Les deux sont là, ça va bien messieurs? Ça va très super. Très bien. En forme, donc vous étiez uruguayen, c'est ça hein? Aussi. Tu sais, moi je suis. J'ai un petit côté Rital en moi, tu vois. Je m'appelle Gianni, c'est pas pour rien en fait. Tu vois? Donc ce soir j'étais pour méga sûr, tu vois, l'Italie, mais bon. Là c'est un peu moins sûr d'un seul coup. Ouais, dommage. Dommage. Donc le groupe Marine Monster qui est là, et puis un autre artiste aussi qu'on a diffusé hier soir dans l'émission justement avec X-Gangs. X-Gangs, my soldier. X-Gangs, la base comme on l'appelle, tu vois. Lui c'est la base. C'est la base des bases. Bon, ça va bien? Ouais, ça va, tranquille, on est là. En pleine forme? En pleine forme, toujours. Tout va bien, toi? Toujours aussi balèze. Ceux qui veulent d'ailleurs découvrir le côté muscle de l'émission, allez cliquer, c'est sur skyrock.fm. Bon, on va parler avec tout le monde dans un instant, présenter tout le monde, mais on va surtout se faire maintenant le replay d'hier soir. Ça donnait ça hier soir dans l'émission. On peut déjà citer ceux qui sont signés sur le label. Il y a Vital Algerino qui ont rejoint. Bon, DJ Arafat, la grande star africaine. On va révéler une grosse star ce soir. Amalia aussi, je voulais juste dire là-dessus. Amalia qui a fait The Voice notamment. C'est ça. Et le nouveau groupe Marine Monster. Donc la signature, je te laisse annoncer, Aria. Il est là, il est à tes côtés. Il va parler, on va voir avec si la voix et les gens le reconnaissent. El General. Eh oui, El General Socrate dit McTayer. Qui est là avec nous, comment ça va? Ça va Fred, et toi? Donc toi tu rejoins, tu es le nouveau monstre marin. Je suis le monstre. tu es le monstre tout court. Le Kraken. Le monstre tout court, en effet. Bon, là on écoute le morceau. Alors il s'appelle comment ce morceau? On exclut. Tout se paye. Morceau de Mike Taylor, d'ailleurs, qu'on pourra avoir si on achète l'album. Le 30, il sera sur iTunes le 30 juin. Tu m'achètes sur mon cœur et je trouve que c'est mieux comme ça. On n'a plus de rire que des cadavres sous les sabots de mon cheval. Je suis comme l'apocalypse, y'a plus âme qui vit derrière moi. Tout se paye. Allez, tire à mes détracteurs. Est-ce qu'on fait un peu de live? Ouais, on va faire un petit live, tranquille. T'es chaud? Ouais, je suis chaud. T'es chaud toujours? Ouais, toujours. Et bah, c'est parti quand vous voulez, session live maintenant. À tous les gangsters qui se battent pour la famille. À tous les gangsters qui luttent contre la famine. Bien servi, c'est rien, ça y est, je suis immunisé. Trop d'années de carrelage, je suis déshumanisé. À tous les gangsters qui se battent pour la famille. À tous les gangsters qui luttent contre la famine. L'inservice c'est rien, ça y est, je suis immunisé. Trop d'années de carrelage, je suis déshumanisé. J'ai vendu pour manger du pain, pas pour une paire de loups boutins. M'a rabouté par une putain, est à tout prix, tu restes en chien. 3-7 sur le coussin, ça sent la mort comme à la Toussaint. Impuissant face au drame du quartier, vécu malsain. Voilà, ça c'était hier soir, et ce soir une nouvelle soirée débute avec Marine Monster, avec X-Gangs qui sont là entre 20 et 21 dans Planète Rap. Il y a un troisième qui va arriver, il est un peu en retard, l'Algérino. Il est à l'heure marseillaise. C'est les Marseillais toujours en retard. On peut pas trop le vouloir. Bon, la bonne nouvelle c'est que vous êtes venu avec plein de casquettes aussi, on m'a dit. Voilà, toute la semaine on va faire gagner des casquettes Vortex, un maximum de messages sur Skyrock. On voit tous vos messages là, continuez, ça bombarde là. Vous balancez. Et on a un tirage au sort, et il y a plein de casquettes Vortex, c'est l'été, faut protéger vos têtes. 41759 avec le hashtag Monster

C'est Skyrock et c'est le Planète Rap consacré au label Monstre Marin avec les Marine Monsters qui sont là ce soir entre 20 et 21. Yeah, yeah, yeah. Pour commencer, extrait de la Monster Party qui sort le 30 juin. Dans les bacs. Lundi 30 juin. Est-ce qu'on peut avoir un petit CV express de vous deux, s'il vous plaît, de ce groupe Marine Monster? Comme on l'a toujours dit, Marine Monster, c'est formé de Bedjik et Henslow. On est deux personnes qui se connaissent vraiment depuis un bon bout de temps maintenant, tu vois. Henslow, voilà. C'est un mec du 9e. Moi, je viens du 93, mais bon, c'est un mec du quartier à Gims. Et voilà, c'était tout de suite indétournable. Est-ce que ça a collé tout de suite? Ça a collé tout de suite. Il y a toujours eu cette alchimie, si tu veux, depuis qu'on se connaît. Par rapport à la musique, il y a toujours eu cette alchimie. Donc à la base, faut savoir qu'on est deux artistes solo aussi. Mmh. Voilà. Mais on a décidé de signer en groupe plutôt. C'était plus logique en fait de signer en groupe dans le label Monstre Marin Incorporation. Parce que voilà, il y a toujours eu cette alchimie et boum quoi, ça s'est fait. Ça a et pompé, vous boum. Portez le nom du label en plus, donc une responsabilité supplémentaire. Ouais, exactement, c'est une grosse responsabilité. Une nouvelle génération aussi qui arrive derrière. Exactement. Ouais. Donc beaucoup de projets en route. Beaucoup de projets, de la grosse crap qui arrive. Un album en préparation aussi. Un album en préparation. Courant 2014. Ah oui, avant 2015, donc il y aura un album de. Ah ouais, direct là. On attaque direct. On frappe dans le start. C'est chaud les gars. Monster, boom, direct. Ah ouais, ça rigole pas quoi, direct dans le jeu. Mais les Marine Monsters. Voilà. C'est ça, c'est ce que je disais, vous avez une pression supplémentaire parce que c'est aussi le nom du label. Ouais, mais. Donc, on n'a pas forcément de pression. Ouais. On le dit tout le temps, on n'a pas forcément de pression parce qu'on a confiance aussi en notre. En notre talent, on n'est pas là par hasard, c'est pas du piston, ils nous ont pas placé là par hasard. Voilà, c'est pas par hasard, on est là pour on sait ce qu'on fait, on le fait très très bien, t'inquiète pas pour nous. De toute façon, il y a déjà les sons qui sont sortis pour la Monster Party et ensuite dans l'album, les gens verront vraiment qui est Marine Monster. On va en remettre un d'ailleurs, un extrait de la Monster Party dans un instant. Yes. On passera un de vos sons. Un petit mot aussi avec X-Gangs qui est là avec toujours nous. Toujours là, toujours aussi balèze. Normal, on est là. Alors toi aussi, petit CV Express, X-Gangs. Petit CV Express. Ok. Ce serait plutôt un gros CV. Ou alors un gros CV Express. Non, on va dire un petit morceau. Sinon, c'est trop compliqué. J'ai trop de clones en fait. À l'heure où je te parle même, bon, tu le sais pas. Maintenant, tu vas le savoir. C'est pas moi en fait. D'accord. Voilà, là, c'est un personnage, tu vois. C'est pas moi. Le vrai X Gangs nous regarde à l'heure actuelle même. Il est en train de nous écouter, nous regarde sur le net. Donc toi, tu es hologramme. Moi, je suis qu'un clone. Là, si je foire, je saute. Et un autre viendra prendra la place de suite. Et il y en a beaucoup. Il y en a plein. Ils sont partout. Et le maître me regarde, donc je n'ai pas la bonne erreur. Peut-être. Il y a l'Algérino qui est mort de rire là. On va y venir sur l'Algérino. On va y venir sur l'Algérino dans un instant. Ouais. Alors, les yeux bleus. Que pourrais-tu dire de ton maître? Le sensei. Ouais. Bah, que du bon. Que veux-tu que je te dise de plus sur lui? Comment toi tu as signé sur Marine Monster? Bon là pour le coup il y a peut-être du piston un petit peu quand même. Il y a toujours du piston. Alors même aujourd'hui les présidents même c'est par piston. On va le rappeler, on l'a dit hier, t'es le frangin de Gims. Tout est par piston aujourd'hui. Tu es le frangin de Gims, c'est vrai que quand on t'écoute on a l'impression aussi d'entendre Gims. Ah bon? Sur certaines intonations, donc ça se trouve c'est Gims qui est en toi. Les mecs, tu sais, on sait plus où on en est en fait. Non sérieux, vous êtes sûr là? Là, t'as l'impression d'entendre Gims parler là. On me le dit dans mon oreillette, on me le confirme dans l'oreillette. Putain, ça déchire. Je parle comme Gims, ça déchire. Mais c'est du lourd. C'est bon signe. C'est du très très lourd. Gims, t'entends ça, c'est du lourd, frère. C'est du très lourd. La technique interdite. Bon, toi aussi, il y a des projets qui arrivent, c'est en cours. C'est très très lourd. Des projets très très lourds. Ou les autres. Je prépare des trucs qui arrivent. Et c'est du lourd. Pour l'instant, on peut pas en dire trop. Surprise. On travaille. Et bon, on va voir ce que ça va donner. C'est mon travail. Pour l'instant, j'en dirai pas plus, mais ça bosse. Non, mais peut-être que je vais avoir des infos par l'Algérino qui est là. C'est lui qui vient d'arriver aussi. Bonsoir la famille. Ça va bien, l'Alger? Très très bien. Toi aussi, tu es un monstre marin. J'étais déjà un monstre. Oui. Toi aussi, tu es devenu un monstre marin. Ça, c'est exactement. Parce que t'as signé donc aux côtés de Vita, aux côtés de justement X Gangs, de Marine Monster. X Gangs la famille. Voilà, justement. Est-ce que tu as quelque petite non mais X Gang il m'a percuté la première fois que je l'ai vu, j'ai senti qu'il y avait un petit souci, tu vois, qu'il y avait plusieurs à l'intérieur de lui. Il est en train de me confirmer ça, il me régale, il me fait rêver. Ça tue. Donc peut-être aussi des connexions au sein du label entre vous tous. Ouais, on est en train de préparer des titres en sous-marin. Il y a Henslow aussi qui m'a fait écouter des trucs, donc je pense qu'il va se passer des choses prochainement. Toi, c'est pour quand toi, l'LG? Je pense que c'est le 25 août, c'est ça? 25 ou peut-être à la rentrée. À la rentrée. Moi, je préfère. Bah, 25 août, c'est. Moi, je pense qu'on va être plutôt septembre, octobre. Très, très. On est là-dessus. Voilà, en fait. Mais on est d'accord. On est d'accord. C'est bien. Tu vois, dans la même, on est bien. Fait... Comme quoi, là, avec les artistes, on s'entend bien. Voilà, mais c'est Aigle bien. Aigle Royal sortira à la rentrée, si tout se passe bien. Bon, et sinon, tout va bien, l'Alger? Ça va aller. Ouais, ça va très bien. Ça va aller. Si ça va pas, ça va aller. Ça va bien. On vit des moments forts en ce moment. On est tout le temps en concert. En studio aussi, on tourne des clips, l'Algérie et la France qui vont se qualifier. Pour la finale, directement. J'ai cru qu'il allait dire, on vit des moments forts, l'Algérie. Non, mais c'est ça en fait, on est bien. Bon allez, envoyez tous vos messages avec le hashtag Monstre Marin sur Skyrock et les casquettes Vortex, Vortex à choper. On met un morceau de Marine Monster maintenant. On commence avec Marine Monster. Allez, c'est parti. C'est quel morceau? Marine Monster. Ah bah très bien. C'est extrait de l'album La Monster Party dans les bacs. Le 30 juin. Yeah. Marine Monster, Marine Monster. Marine Monster, Marine Monster. Marine Monster, Marine Monster. Marine Monster, Marine Monster. Le temps presse, bientôt je me barre dans l'espace. Je laisse l'MC et tous mes followers en extase. Je pète la forme sans avoir pris ni coke ni extase. On pouvait que ça devient violent comme ça, pouca par son extase. Chou, qu'est-ce que ça laisse violer dans mon espace? N'est-ce pas? Dans l'espace, c'est toujours là-bas qu'on veut pas. J'reste mes caissas, t'empêche la défaite, c'est comme un prêtre dans un sous-sol. Bon qu'à faire des messes bad. Marine Monster, on vient vous choquer. À peine arrivé, vous paniquez. Double MC, complètement. Le 30 juin dans les bacs. Enfin ma démesure pour de la mégalo. Aujourd'hui tu crées un buzz avec un nom mais allô. Marine Monster Corporation, on gère les bails pour vous détailler. Autant vous dire que le game est tombé à l'eau. Oui, je suis un monstre, j'en ai pas l'air. Buzz de fou. Y'a l'élan brebis dans la vallée. N'avale pas tout ce qu'on dit fils, c'est plein de vices. La rue, tu me vois, tu ne me vois plus. Plongeon disparu. Il nous en toujours fait saluer. Pour qu'on ne puisse jamais y arriver. Pour vous êtes mal du balai. Dans nos amours, vous êtes everybody. Je n'ai pas changé d'adresse, un peu mis si tu me veux. Brancineur, tu te manges des coups ou tu bicraves, c'est comme tu veux. Malheureusement, tu n'as pas fait les choses, va maintenant, passe aux aveux. Monstre Marin Corporation, coup de feu, fais un vœu. Ramène-moi n'importe qui, frérot, je vais tous les aligner. J'ai été trompé par des boîtes que je comptais comme allié. Le manque de soi, il sera bientôt de les voir s'allier. Le temps passe, le temps presse, mais la vague en il faut que je perce. Oui, oui. Je vois déjà un stomp, oui. J'entends sur moi beaucoup trop de bruit. Oh, oui. Je vise vis-à-vis des gens, le vice et vice. La vasité monte dans le vaisseau, c'est le changement d'horaire. Fils, mon amour poursuit dans la fusée improvisière. Cheveux fusés, feu que le videur physio fusé. Easy, usé, cousin, misé. Oui, je suis un monstre revenu des temps. Je m'ennuie, mais là sincèrement, ça met trop de temps. Je m'en suis rendu compte à force de grincer des dents. Là je perds au cœur de vortex, double MC clan. Ils nous ont toujours fait saluer. Pour qu'on ne puisse jamais y arriver. Wesh Dadju, à bout d'âle, je ne sais que. J'arrivais, everybody. On sort parti, le 30 juin dans les bacs. Marine Monster. Paris Centre, 9ème zone. Putain, y'a Latif, t'es trop fort, laisse tomber, t'es trop fort. C'est extrait de la Monster Party dans les bacs lundi prochain, lundi 30 juin. On peut précommander aussi, évidemment, on peut y aller maintenant. C'est déjà en précommande, ils sont encore moins chers. On reconnaît bien le responsable du label. 9,90 actuellement pour l'année. Donc moins de 10 euros. Hein. Voilà. Moins de 10 euros. Allez vous procurer la Monster Party. Voilà, avec Marine Monster qu'on écoute à l'instant sur Skyrock entre 20 et 21. Dans quelques minutes, quel morceau on mettra? L'Alger, X-Gangs, l'Alger. Comme on veut, hein. Peu importe. X-Gangs, d'accord. X-Gangs. Le morceau quoi avec Gims ou un autre? Prenez la fuite. Très bien, prenez la fuite. Mais restez là, hein. Prenez la fuite dans un instant, mais juste avant. Des casquettes Vortex. On est mardi, mais là, les casquettes, ça va être pour l'un de vous. On consomme sur le moment. Les casquettes vont être pour l'un de vous maintenant, puisque c'est l'heure du quiz Coupe du Monde, si vous êtes prêts dans l'émission. Là, je m'adresse vraiment aux gars qui sont forts en foot. L'Alger, normalement, ça devrait être correct. C'est Marine aussi, ils sont bons. Marine ouais, Monster. Aussi, mais bon. Allez, on y va, c'est parti, coup d'envoi. La France est au Brésil. Il le fait. La Essaye pas, rien de tricher déjà. Tu n'auras aucune réponse. Est-ce que tout le monde est prêt? Là, ça va aller à la rapidité. Hein. On est prêt, on est prêt. On est prêt. Vous êtes prêts? On est prêt, toujours prêt. C'est nous le... Si c'est sur l'Iran, je suis en fait. Ah, on n'a pas fait de question sur l'Iran, c'est con. C'est un démerdé contre l'Argentine quand même. Bravo. Attention, première question. Quel est le meilleur buteur du mondial pour le moment? Neymar. Yanzo. Ah oui, mais il a pas de micro lâché. Ah, tu te sens barbé. Tiens, lâché, tu vois, on va partager le micro, tu me le sautes, tu le prends. Si tu veux la réponse. Non mais attends, il faut que je pose la question. Bon alors Ari, file ton micro parce que toi de toute façon tu t'es disqualifié, il n'y a pas de question sur l'Iran. Bon pour l'instant un point pour Yanzo. Yeah. Je suis pas d'accord, moi sur ce coup-là normalement on partage. Moi. Vas-y on partage, Allez, vas-y. Attention, il me faut le nombre. Combien d'équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale actuellement? 6. 16. Oh là. Ah pardon. Attends. Ouais, mais actuellement. Là, en ce moment, là. Deux. Yanzo, deux. Qui sont qualifiés déjà, quatre. Ah oui, qui sont qualifiés. Quatre. Moi, j'ai dit quatre. Six. Quatre. Hein. Je vais te dire cinq, moi. Moi, j'ai dit six. Quatre. Ah, on monte, qui dit mieux, stop. Quatre. Moi, cinq. Quatre. Moi, je dis quatre. Quatre. Vous êtes nuls. Quatre. Il y en a neuf. Il était presque. Bah ouais, Brésil, Mexique, Chili, Pays-Bas, Colombie, Costa Rica et Uruguay, on vient de l'apprendre à l'instant, Argentine et Belgique. Mais tu sais que. Est trop loin, on est trop loin. Tu sais qu'en vrai, je suis un mange. Je te dis, quand tu as dit en 16e de finale, combien d'équipes? 8e de finale. En vrai, je suis 5 gars pour finir. 16, mathématiquement. Oui, mathématiquement. Je suis un monstre, cousin. C'est vrai. Donc en quart de finale, il y en a 8. En demi finale, il y en a 4. Tu vas pas la tête comme ça, gros. Bon, allez, de toute façon, cette question, elle était libre. Tu peux me la donner, ça. Pour l'instant, non. Essaye pas de dîner, l'adjet. On est pas au poker. Non, mais actuellement, je pas. On est pas au poker. Vas-y. Jusqu'à maintenant, donc jusqu'à aujourd'hui, quel est le match dans ce mondial où il y a eu le plus de buts? Pays-Bas? France-Suisse. Bah oui, France-Suisse. Voilà. Non, arrête. Bon. Une fois. On a perdu X Gangs aussi. Allez, on peut prendre la micro. C'est combien 5-2, c'est ça? Oui, 5-2 en effet. Donc 7 buts pour ce match. Attention. Ça va peut-être de l'Alger, peut-être que là ça va être pour toi celle-ci. Pour l'instant, il y a 2 et 0 pour tout le monde. Ah ouais. 2 pour Yanzo. Là, il y a 1, j'ai mis 1 moi tout à l'heure. Il y a 2. Non, essaye pas non. Il a mis 1. Vas-y, Yanzo, c'est la famille. Combien de buts ont été mis par l'équipe d'Algérie dans cette compétition? 2. Eh non, 5, qu'est-ce que tu racontes? 5. Mais oui, l'Alger, bravo, on peut applaudir l'Alger, hein, ouais. Là, il prend bien son blaze. Arrête, là, t'avais pas le choix là. Ah ouais, c'est sorti direct. 5. 1 contre la Belgique et 4 en effet contre la Corée du Sud. Bon alors attention, là c'est la dernière question. J'ai envie de dire que les compteurs sont remis à zéro. C'est-à-dire que celui qui donne la bonne réponse il remporte le lot de casquettes Vortex. Allez. Attention. Momo, arrête de tricher, c'est relou. Non, t'es un relou, franchement. Par texto, Momo. Tout à l'heure, il balance les. Par texto, ho. Avec ta jolie paire de lunettes de soleil, là. Allez. Quelle est l'équipe dans ce mondial la plus âgée et la plus jeune? Il y a deux équipes, une qui est plus en moyenne d'âge, hein, je parle de l'équipe. La plus jeune? Ouais, plus jeune et plus âgée. La France. Plus âgée, Italie? Donc là, attends, France quoi? Plus âgée? Ouais. Je pense que l'Italie, c'est la plus vieille. Plus âgée. Ouais, je pense aussi. Mais je l'ai dit avant. Ouais. Il est trop malin. Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, voilà, déjà, on est d'accord. La plus jeune? Vas-y, moi je dis le Brésil. Ouais. Donc la plus jeune, toi tu dis. Brésil. Non. Ce n'est pas moi, je dirais l'Algérie. Moi, je dis la France. L'Algérie. Ce n'est pas la bonne réponse. La France, moi, j'ai dit. Ce n'est pas la bonne réponse. Moi, je dis la Belgique. Belgique, la Belgique. En fait. Non, la Suisse. C'est un peu facile, ça. Bah, si on les fait toutes, on va forcément tomber dessus. La Suisse. Allez, stop. Bon, allez, la plus vieille, les États-Unis. Non. C'est fini, comme d'hab, le quiz s'arrête là. Il n'y a pas de gagnant, tout le monde est gagnant. Momo. La plus âgée, c'était l'Argentine. Ouais, voilà, mais c'est ce que je t'ai dit. Mais je l'ai dit, l'Argentine. Et la plus jeune, le Ghana, ça tu me l'as pas dit, personne ne l'a Ghana, dit. Le Ghana, non, mais. Voilà, personne ne me l'a dit. Allez hop, quiz éliminé. Mais c'était qui les plus jeunes? On va revenir, le Ghana. Le Ghana. C'était le Ghana. On va revenir plutôt sur le son. Qu'est-ce qu'on met, le morceau de X-Gangs dans un instant? Prenez la fuite. Prenez la fuite, mais restez pas trop. Ne vous écartez pas trop. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Le Planète Rap avec les monstres marins. Ils sont là, tous, pratiquement dans le studio. On revient juste après ça. Comme toi, monstre marin, a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Le label Monstre Marin à l'honneur cette semaine avec la sortie le 30 juin et on avait promis un morceau, c'est ce qu'on va balancer maintenant, le morceau de X-Gangs. Prenez la fuite. Prenez la fuite. C'est ce qu'on écoute tout de suite. Juste avant, il y a aussi une petite question pour repartir avec des casquettes Vortex. L'album dédicacé de la Monster Party, question simple. Quelle est la nouvelle signature que l'on a annoncée hier soir dans Planète Rap entre 20 et 21? Ça. Simple. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez un message 41 759 et on écoute le morceau de X-Gang. C'est parti? C'est parti. Ok, X-Gang, MMC, MMC. Big dédicace à nos convives, mon gars sûr. Mais qui a glisse? Ok, ok. Mon ami Sons. Ok, ok. Check, ça y est. Check, ça y est. Comme une tournette, je viens tout ravager sur mon passage, yo. Comme un guerrier, je gère mes blèmes. Comme une pute, tu donnes tes œufs et tu raconter des histoires. Mytho, tu niques les keufs. Kimura, je vous finirai tous avec un Kimura. J'ai la tête qui flègue comme Tetsuo dans Akira. Ma haine est lourde, putain, je bouffe du fer. Trop de rats, sans son ton dans ce couplet, c'est ça le mon peura. Déchiré, comme un marabout, tu t'es fait posséder. Tu sens démon, tes démons. Fini tes souffles à pipo. Toi et ton équipe mytho, me la mettra One X Gangs. C'est ça, Michto. C'est la dèche. Manque de monnaie cash, okay. Tu le sais, pauvre tâche. Okay. Soit t'es vrai ou pas. Hey, Veski app, Gerda, le gars. T'as le seum, on le voyait. Soit t'es bon ou bras. Hey, violent dans mon vocabulaire. Prenez la fuite. Je viens vous enterrer dans le game. Prenez la fuite. Je te baisse, toi ton possible. Prenez la fuite. Ceci n'est pas un exercice. Prenez la fuite. Violent dans mon vocabulaire. Prenez la fuite. Je viens vous enterrer dans le game. Prenez la fuite. Je te baisse, toi ton possible. Prenez la fuite. Ceci n'est pas un exercice. Prenez la fuite. Vous m'avez négligé, pas dit que Dieu vous le pardonne. Paris c'est l'Afrique, pire les Français sont devenus des touristes. C'est pas moi qui l'ai dit, viens faire un tour dans la capitale. Tes yeux vers l'envers du déco. Crime, sexe, drogue, alcool, à gogo. Tu pratiques un rap où les gens me disent putain c'est du salsa. C'est pas de ma faute, j'ai pas faire du soupir à gourd du salsa. Je dis comme personne vers ce flow, je l'écris seul entre quatre murs. Raison pour laquelle vous le kiffez pour l'écouter, vous êtes pressés. J'ai vu des dollars servir de cobaye pour les scientifiques. Comme des gorilles se faire arracher les dents, les os pour les boumaras. On vit dans un monde où le succès n'est pas donné à tout le monde. Les premiers resteront premiers, les derniers seront victimes. Mon refrain te donne des ailes à planer comme la boisson Red Bull. Okay. T'as les boules quand t'entends ma voix, ça donne la chair de poule. Ne soyez pas choqués si mon flow passe du coq à l'âne. Ah ouais, solo, j'ai formé une équipe démo comme Ibalemi Satoumineï. Violent dans mon vocabulaire, prenez la fuite. Je viens vous enterrer dans le game, prenez la fuite. Je te baisse, toi ton possible, prenez la fuite. Ceci n'est pas un exercice, prenez la fuite. Violent dans mon vocabulaire, prenez la fuite. Je viens vous enterrer dans le game, prenez la fuite. Je te baisse, toi ton possible, prenez la fuite. Ceci n'est pas un exercice, prenez la fuite. Hey, as-tu de barrer, tu débites, espèce d'enculé. Viens faire un tour chez les MMC, tu vas te faire effacer, déclasser, entasser, tracasser. Tu diras assez, comme un cœur patron, tu palpes à la recherche de papiers. Des amis, soi-disant master qui veulent te Kenny. Depuis tout petit, vous vous êtes promis de ne jamais être ennemi. Pour du bif, ton poteau, de la mise. Wanamai Obami, je te nique ta mère comme un coupe des bras d'un blond diamond. J'ai pas changé depuis le succès de Mugiwarano. T'as mis des frappes, des clés de cheville, parano. Demande à mon gars sort de Fast and Furious Toronto. Fini le son de fêtard, c'est le son qui va te mettre des tétards. Tétards, faites pas les malins, je vais sortir mon pétard. Fais pas le magicien, c'est moi qui manie les deux gars. Fais pas le magicien, c'est moi qui manie les deux gars. Violent dans mon vocabulaire, prenez la fuite. Je viens vous enterrer dans le game, prenez la fuite. Je te baisse, toi ton possible, prenez la fuite. Ceci n'est pas un exercice, prenez la fuite. Violent dans mon vocabulaire, prenez la fuite. Je viens vous enterrer dans le game, prenez la fuite. Je te baisse, toi ton possible, prenez la fuite. Ceci n'est pas un exercice, prenez la fuite. Jelas. Ouais, Jelas. Le grand Frelon lui-même. Ça arrive du lourd, le clip, ça arrive. Révolte. Ok. La compile le 30 juin dans les bacs. Wouh. Vous l'avez ressenti dans le Vux. Ah. One of my soldiers. Prenez la fuite à l'instant, c'est X-Gangs avec nous entre 20 et 21 dans Planète Rap. Je sais pas si vous l'avez remarqué, bon, c'était pas moi. Je sais pas si vous avez grillé, il y avait plein de flows, plein de styles différents. C'est vrai. Là, peut-être vous avez dû cramer mes autres clones, mes frères. les autres. Vous êtes celui qui pesait les champs, les débitages, le psychopathe, fou, hein. Le gars. Hein, Fred, il est fou. Hein. Tu vois. Il est pas. Donc, il y a un truc. Il est habité, il est habité. Il y a un truc qui a sauté, non? Il y a ouais, non, calme, il est habité tranquillement. Et c'est ça va bien, tout va bien, X-Gang. Tout, tu va, vas bien, pas, tout va bien, c'est calme. Restons calmes pour l'instant. Nous sommes calmes. Pourquoi tu veux que je pète les plombs, quoi? Non, tranquille, regarde. Il fait beau. Saccagé Sky. Bientôt les vacances. Il y a l'équipe de Monstres Marins, l'Algérino qui est là, il y a les Marine Monsters. D'ailleurs, on écoutera peut-être un morceau de l'Alger dans quelques minutes. Ça va aller. Yes. Ça va aller. C'est extrait de la Monster Party. On le découvre dans un instant. Et juste avant, on est avec Tuna de Chalon-sur-Saône. Salut Tuna. Ici. Ça va bien Tuna? Ça va, tranquille et vous? Bienvenue dans ce Planète Rap de Monstres Marins. Ok, Tuna. Tu es prêt à rapper? Peut-être tu as très envie de rapper, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Allez, on y va, session freestyle par téléphone, c'est parti. Go. Ok, j'avoue, c'est vrai que je parle souvent de moi, mais ce que je porte dans mon cœur ont plus de valeur que ça. Ce rap, c'est ma logique, ce rap, c'est mal au bide. Un rêve de gosse qui on dirait une île à Tchernobyl. Loin des maisons, 10 ans, ma province, j'ai du taf et marine. Loin et l'époque, les potes, la nuit, ça allait taquer la pile. Tu lui mets tes bouchées doux pour que l'album plus tard, c'est ta fille. Maintenant, tu l'as, personne ne peut rien y faire, j'ai brisé ta fine. Brisé ta fine, solidaire quand t'as nada, quand t'as du bif, t'es plus dans la file. On connaît tous les faux potos, on connaît pas ses amis. Je rappe depuis les abîmes de mon âme, le rinté, je vais pas fuir. Je veux juste positiver, sortir d'ici la tête haute. Je regarde derrière, avancer avec tous ceux qui comptent. Je m'éternise pas ici, je veux pas que tu rends difficile. Il n'y a bien qu'avec toi que je ne suis pas narcissique. J'ai un talent de fou et j'ai pas même pas à moitié. Quand je n'aurai plus de rimes, j'aurai encore de quoi gratter. Un stylo, une feuille, ma tête n'est jamais vide. Je lave une feuille, à quoi ça sert de parler titre? Tu sens bien que je suis pas dans leur jeu, tu sens bien que je suis pas dans le game. Certains pas, mais tout est là. Dites-moi qui d'autre ici fait ça. Ça doit faire ci, ça doit faire ça. Ça parle de coup, ça n'agit pas. Ça parle de cash, ça le prend pas. Ça veut rater, mais ça sonne pas. Pas parano dans ma tête, je suis largué. Perdu entre ma musique et le besoin existentiel de manger. Je peux pas accumuler un tas, c'est mon écriture. Vu que mon écriture, c'est mon tas. Si jamais j'achète du rein, trop fier, je suis préparé. Trop de de faire pareil. Chalon, je présente ma vie, ça a percé. Combien tu paries, ça va percer. Peut-être les rageux qui disaient que je méritais mon back trip. Ce soir, c'est encore la même. Je prépare les moments à la messe. Oui, je lâche rien tous les jours. Je suis à régler mes paramètres. C'est que le premier en plus, déjà, tu prends des gifles. Attends, la suite s'occupe. Après, je te plie en six. Je t'ai pris en flague. Il a la dalle. Vers la basse. Mon quartier, ça se mérite comme tes semblables. La vue, c'est cool. Tu n'assembles pas. Tout là, c'est cool. Encore plus, si un jour, ça rime, elle s'en va. Ça s'écoute à fond. Pas de combat. Y a qu'une chance. Bon, je casse mes bas. Je casse mes pas. Donc, je passe les gars. Rien à perdre. J'en casse des pas. Narcissique, un état d'âme. Puisque ça, c'est un étendard. Les gars m'ont dit, vas-y, c'est ton heure. Je pose ma vie sur des sons caillasse. Marque de vos idées, son canard. Ramène du rap, du ketama. Ok Tuna à l'instant freestyle. Parfait, merci à toi Tuna. Merci. Bravo à toi Tuna, petite dédicace. Ouais, vas-y. Alors déjà si vous voulez me suivre, il y a ma page fan Tuna officielle sur Facebook. Après je viens de sortir un clip, donc il est disponible aussi sur ma page fan. Il vient de sortir freestyle numéro 1, single disponible avec lettre à mon frère sur iTunes, Beeport et tous les autres plateformes de téléchargement. Et je passe une dédicace à toute ma team Tuna, à tous les gens qui me suivent, à toute la ZAC, tous les quartiers de Chalon. On est là, on arrive bientôt. Et bah merci à toi Tuna, passe une bonne soirée. Big up à toi frère. Big up à vous hein. Ciao. Dans un instant, il y aura du live avec l'équipe des Monstres Marins, des Marine Monsters avec X-Gangs et l'Algérino. S'il te plaît, prends le micro l'Alger. Qu'on puisse s'entendre un petit peu sur le morceau qu'on va écouter maintenant, qui est extrait de la Monster Party. Volume 1. Exactement. Un titre qu'on a balancé, je pense que mois d'avril, rien. C'est ça. On l'a clippé aussi. Mois d'avril, on a fait le clip, donc il est sur YouTube, sur iTunes, il est sur la Monster Party. Et c'est un morceau que j'aime, pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je l'aime beaucoup. mais t'as raison en même temps. Non, là, ouais, il est lourd. Il est lourd. Succès, il y a plus de 2 millions de clics. J'aime bien ce titre. Sinon, je crois que la Monster Party, elle fait 7,99€ sur iTunes. Donc c'est ça, pendant cette semaine-là. Ouais. Ah oui, c'est la erreur totale, ça. Attention. Faut en profiter. Attention. Heureusement qu'on est là. Hein. Ouais, heureusement que tu es là, l'Alger, qui a cette grande expérience. Voilà. Qui connaît tous les réseaux sociaux. Exactement. Les plateformes de téléchargement légales. Tout à fait. Il est là pour ça. Ouais, et illégal aussi, tu connais tout. Illégal, oui. Un peu, pas beaucoup. Bon, allez, on écoute ce morceau maintenant. Donc, moins de 8€ pour récupérer dès maintenant la Monster Party. Allez, cliquez. C'est parti. Nouveau millénaire, l'époque est folle.

1. Married Monster, married Monster, married Monster, married Monster, married Monster, married Monster, married Monster, married Monster. Le temps presse, bientôt je me barre dans l'espace. Je laisse les MC et tous mes followers en extase. Je pète la forme sans avoir pris ni coke ni extra. On vous wet, ça devient chez nous comme ça pour qu'à part son extase. Chouis, je kick ça la zulée dans mon espace, n'est-ce pas? On diffuse, c'est plein de vices la rue. Tu me vois, tu ne me vois plus, plongeant, disparu. Ils nous ont toujours fait saliver et pour qu'on ne puisse jamais y arriver. Vous êtes ma du balai, amoureux, everybody. Ils nous ont toujours fait saliver et pour qu'on ne puisse jamais y arriver. Vous êtes ma du balai, on vous amoureux, everybody. Je ne vais pas changer d'adresse, la famille, si tu me veux. Transinor, tu te manges des coups ou tu bicraves, c'est comme tu veux. Malheureusement, tu n'as pas fait les choses, va maintenant, passe aux aveux. Remarque à corporation, fais un vœu. Ramène-moi n'importe qui, frérot, je vais tous les aligner. J'ai été trompé par le pote que je comptais comme allié. Soit glisse, bien bientôt de les voir s'habiller. Le temps passe, le temps presse, mais dans votre bitch, il faut que je perce. Oui, je me vois déjà un Stamford Bridge. Projecteur sur ma faute, ça brille. J'entends sur ma beaucoup trop de bruit. Oh oui, oh. Je vise le viso vis-à-vis des gens, le vice et vice. La vacité monte dans le vaisseau, c'est le changement de rire. Fuseau, demande à ma faute, je suis dans la fusée. Afro-viseur, je veux friser. Leader physio-physique, easy, usy, cousine, musique, misée. Oui, je suis un monstre, revenu des temps. Je m'en suis rendu compte à force. Non, je m'en suis rendu compte à force de grincer des dents. Flash au perdant, le vortex, double MC clan. Yann Slow. Toujours fait saliver et pour qu'on ne puisse jamais y arriver. Vous êtes Mac du balai, on vous a move up, baby balai. Ils nous ont toujours fait saliver et pour qu'on ne puisse jamais y arriver. Vous êtes Mac du balai, on vous a move up, everybody. Yeah. Man, Monster. La Monster, Monster Party. Le 30 gens dans les bacs. Ah, il y a la Chief Beats à la prod. Yeah. Yeah. DJ B Rise. Yeah. Pour commencer. Pour commencer, il y a du monde ou quoi? Yeah. Muggy. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser ou la jambaille. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sale. Muggy, what I'm doing tonight. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser ou la jambaille. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sale. La la la la. Dédicace. You wanna know. Yann Slow. Est-ce que t'as déjà vu des gens pour de la farine canne? Et les filles, les flics, les fanatiques de farine canne. 9e, 9e, on arrive en balle. Trixma, bloqué dans un Sharingan. J'arrive en balle, c'est t'as le time, vas-y taille frère. 9e zone, que des gaps sales, que des bails frais. J'ai la dalle, j'ai tout grave. Oui, ça va le faire. J'ai la technique, ma botanique, ton boyfriend. C'est la street, là où y'a pas de plan père. Dans sa caisse, la coke et des flingues dans des packs panthères. C'est un hold up, oui. Vous êtes mort depuis. Trop marin, corporation, et Black Panther. Et là aussi, stack, que des cas aussi, j'tape. T'es mort dans le film. Comme un déclin entouré de ses stars. Plus le temps faut qu'on se casse. Trop vite tu constates. Yann Slow, Muggy, wanna know, voilà qu'on se capte. Muggy, wanna know du night. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser ou la jambaille. Et à l'heure où je te parle, Muggy, wanna know, peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Muggy, wanna know du night. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser ou la jambaille. Et à l'heure où je te parle, allons me guider dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life. Commençons par faire du sale, la la la la. Muggy, what I know, Yann Slow, du na na na na na. On va commencer par faire du sale. Hey, yo, miss, I'm sorry. Si ton cœur, je l'ai déjà zébré. Tu me verras m'enjailler avec toute ma clique, mais jamais sauté. Je vous rivalise, vous dévalise. Pendant que Muggy gère le biz, je veux être vendu au West Indies. Marine Monster, rest in peace. Tellement, tellement fier. Aucune peur. Laisse-nous faire ce morceau, c'est juste l'alerte. Comment vous dire qu'on arrive en dessous? Putain, les gars, je vais pas vous faire un dessin. Mais en fin d'année, vous allez vous chier dessus. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on veut des sous. J'ai pas le genre de mec posé au bar. J'ai pas besoin de boire là-bas. On t'a dit que l'inspi vient de me dar. Basket, Vortex, Net, Libéba. Muggy, what I know du line. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time. Oui. C'est où la jambaille. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Muggy, what I know. Je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life. précommande sur iTunes à 7,99 cette semaine. Je vais commencer par faire du salalalala. Grosse dédicace à Megasur. You wanna know young flow du nananana. On va commencer par Brice faire et Albert du football club de Toulouse. On va commencer par faire du salalalala. Dédicace à mon gars sur Ken de l'Estac. Paris Sandboy. Francine Nord. 9ème zone. Ah. À moi, c'est parti. Yeah. Le trojan dans les bacs. On est là en direct de Skyrock avec toute l'équipe. Le trojan dans les bacs. Y'a la team. Make you wanna know the line. Yeah. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time. De me poser. You could be right. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans Baron Monster. Et y'en last. Comment vas-tu? Make you wanna know the line. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time. De me poser où la j'envahis. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life. Yeah. Yeah. Yeah. À l'instant en live, les Marine Monsters qui sont là aussi avec nous ce soir entre 20 et 21. Extrait du label Monstre Marin avec Monstre Marin Corporation ou Corporation. Marine Monster Corporation. Voilà pour tous ceux qui sont totalement bilingues, tout comme vous deux. Yeah. Évidemment. Et gros live à l'instant qu'on pourra retrouver bientôt en image sur le skyrock.fm évidemment. Dans la soirée, n'hésitez pas à aller cliquer pour retrouver aussi sur la page de Planète Rap. Avant de se quitter, on met un dernier morceau, c'est ça? On maîtrise. Yes. Gros. Je voudrais souligner quand même le professionnalisme de Marine Monster. Allons-y. Mike, il s'affole pas, ça crie pas, ça rappe. Ouais. C'est rare, hein? Ouais, c'est rare. Voilà. Merci beaucoup. C'est correct. C'est avec l'oreille professionnelle. C'est l'aigle royal qui a parlé. Voilà. Donc là, attention, quand l'aigle royal parle, on se tait. Et on écoute. Allez, on finit avec ce morceau, c'est extrait de la Monster Party. X-Gang, bien frère. Elle a fini. Ok. Ok. Gros dédicace à mon gars sur Bomber, la Dream Team. Ok, 9-3 Clichy. Ok. X-Gangs, Noko. Ok. Noko V. Aïe. Je maîtrise, motherfucker. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Fier, déter. Tu veux me balayer, attends que je devienne poussière. T'accélères un peu, abruti dans les touffes. Fier, jette l'expert, laisse-moi gérer, laisse-moi tout faire. Dites aux enfants que nous vivons dans un monde spé. Les gros poissons font disparaître les petits comme les MySpace. Tire dans le tas sans toucher d'innocents façon Max Payne. Dans 2-3 ans, tu comprendras, petit matin, Main Payne. Fuck l'intérim, je suis un enfant terrible, t'es un monstre terrible. Et ouais, c'est le 30 juin dans les bacs. Ouais, y'a de la frappe en Brésil. Je suis un militant, mi-vampire et mi-licorne. Bébé fuck, Belize. Mon décalirant, mes mille ans, je déverse. Ma haine, je déboule quasi tous les mille ans. Tu ne vois pas venir, je fais du sale. Je suis fatiguant, j'ai des textes. On entend comme le sol du Vatican. Je suis un putain de rappeur avec la voix d'un ancien. Le site de Pax a rendu. Je suis un Jin Churiki. Nous communiquons, nous kick et tirer grand. Les coquilles de Paris 9, prototype, fils de piètre, les coquilles. Je maîtrise, on maîtrise, je maîtrise. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Je charme mon rap comme ces rappeurs qui ratent tout du pub pour X-Gang. Si me truc games, le sang t'attend des failles, c'est pas du mytho. Ça s'agit tellement autour de moi, ma sable au pandanier. S-O-L-G à vénère, tu peux demander à tous les miens. T'es ma bien, ça tape des djidjis, gâte à mis des loin. Ça y est, c'est parti, prenez des têtes dans les coins. Tellement fort, je me bats la vie, je me perds un truc de ouf. Que tu poses des questions, disant putain, ce mec est solo comme moi. Frère, mon style de maître, cherche pas, je vais vous la mettre. Un peu ou plein, t'as douté de moi. T'as eu tort, 100% du nain. Je maîtrise comme un embo. Ma comment je trime pour mieux rimer. Pas droit l'erreur et surtout pas m'afficher. Naïe, Kocha, Bolingo. C'est là, maintenant pour du répit. Ça va trop de speed, mon harmonie. On te l'avait dit, c'est là. Je vous ai dit pour s'il laisse fermer comme un ninja. Mettre mon chakra, mon nom de l'ami. Je maîtrise. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Mat mes les nucléaires en plein dans ta sepa. Je pèse mes ennemis sans pitié, la haine, mais le seul en moi. Ma violence est non limitée, tout n'a pas tout n'a. Trop de temps, ma nature, mon gage de tonne, car son jeu va. Normal, tu verras couler ton sang sur ce sang. Trop de style de flow, c'est évident. Casse-toi, tu fais pas le poids, passe à l'Okage. MM, Soja est là, bande de rigolos. C'est Paris, petit enfoiré, et l'inspiration des endroits. Ah, mais qui quitter, j'ai mec du gabat, Tito dans les orties. Trop de style, sous tes wam, pendant d'autres me torpillent. En 2012, tu captes enfin que Muggy fait du hors-piste. Moins de 16, poussez-vous, là ça devient corps. C'est un fait de Marion en connaissance, le coste v'là dans le vortex. Vos textes, reste indésirable, voilà vexé. Comprends ce que j'ai, je mets des flèches, faut que la tombe à arme cesse. Paris centre, par ici, bienvenue chez les paresseux. Paresseux. Juste un tout petit peu, mais jamais pour le son. Je parais sombre, pourtant rien que je brille à chaque apparition. Je parais sur la cité, je mange et marche avec moi, c'est qu'on shoot sur la même cible. Ouais, j'empile les salles et fais du frochi comme au Marcy. Donc on fait toi tout petit, je suis psychologue à la psy. J'arrive sans prévenir tout comme un tsunami sur Lansing. Et c'était Monstre Marin Corporation direct de Skyrock. Le 30 juin dans les bacs. La Monster Party en effet arrive le 30 juin dans les bacs. On peut la précommander maintenant pour moins de 8 euros. C'est ça. Yes. Donc allez-y, allez cliquer maintenant. Merci au Monstre Marin d'être passé au Marine Monster. Merci à toi, Fred. Gangs qu'on écoutait de l'Alger. Demain de retour aussi. Ouais, demain on est là. Je vais demain on va écouter un gros gros titre aussi. Très ça bien. Ça s'appelle Gamberge. En exclu sur Sky. Donc ça c'est quoi? C'est un titre qui arrivera. Un titre qui est sur la compile. Il sera sur YouTube, je pense, la semaine prochaine sur Vevo. Et j'ai fait un petit cadeau. Il n'a pas été diffusé encore. Franchement, je peux dire un petit mot sur ce son. Voilà. Allons-y. Franchement, ce son-là, on l'a écouté. Et franchement, j'ai été choqué. Franchement, voilà, c'est. Merci. On s'est mangé des gifs. Merci. C'est le jour et la nuit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, et on pourra le découvrir demain. Demain, le morceau inédit de la Monster Party Gamberge avec l'Algerino. Yes. Entre 20 et 21, juste avant de se quitter, retrouver Diffoul, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Skyrock offre le DVD Pompéi et plus d'une GoPro par jour. Chloé Delbeuf, ça va bien, Chloé? Salut. Bienvenue dans ce Planet Rap avec les Marine Monster. Merci. Tu es prête à faire tourner? On y va, on fait tourner? Je suis prête. Allez, fais-nous un beau stop, c'est parti. Waouh! Jusqu'au bout, Chloé. Eh ben écoute, tu as raison de hurler comme ça et de faire péter la roulette puisque tu repars avec non seulement le DVD de Pompéi, mais la GoPro, la petite caméra qu'on peut fixer partout, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, sur la tête, comme le fait Sinaria, si tu veux la mettre sur la tête ou ailleurs. C'est pour toi, Chloé. Ah, c'est super, merci. Eh ben, de rien, profite bien de cette caméra pendant les vacances. On te fait plein de bisous et mate bien le calme-toi, film. L'Algérie n'a pas encore gagné, Chloé. Calme-toi. Bisous, Chloé. Bisous, salut. En plus, tu as raison de signaler, Chloé, c'est vrai que c'est un prénom algérien. Oui, c'est un très prénom connu, algérien, Chloé. Très, très connu. C'est dans l'est de l'Algérie. Là-bas. Ouais, là-bas. Merci l'Alger en tout cas d'être passé. Merci à X-Gangs. Merci au Marine Monster. Merci à toi, Fred. On vous retrouve peut-être dans la semaine. Aria, dans la semaine aussi. Demain, tu reviens demain, toi aussi. Bah ouais. On sera là, Robert. Demain, on tient les murs. En maître X-Gang, tu arrives comment demain? C'est qui? Robert que nous. Demain, en mode clonage encore. Très bien, donc ça en mode clonage encore. Ça ne sera pas toi, mais un autre. Un autre. Ramène le 93 demain. Ok, demain c'est le 93, Bédic a parlé. Okay. Et bah écoute, demain c'est le 93. Demain c'est aussi le résultat avec les gagnants de Marine Monster. Parce que là je suis en mode 7-5. C'est ça. À pas louper demain entre 20 et 21. Ouais, demain voilà, demain c'est les grands gagnants, les heureux gagnants, les 5. Les 5. On les attend avec impatience. Avec impatience, on les découvrira demain soir. Merci à vous tous, merci à B-Rice qui était au platine. Et on va retrouver Diffoul. Le 30 juin dans les bacs. Ouais, dans les bacs, le 30 juin. Yeah. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. L'Italie a perdu. Ça oui, fait un peu de peine. Il avait pas dit de conneries, votre bestiole, là, bah ce non, matin. Bah non. Bah non, malheureusement. Favela Slam. Je l'avais prédit aussi. Bah ouais, tu sais bien, l'Algérie. Non, mais pourtant, je kiffe l'Italie. J'ai beaucoup d'amis. Bah moi aussi, italiens, pareil. Mais je le sentais mal. Je suis un peu triste pour les Italiens. On aura Alessandra, notre italienne, en direct du Brésil. Tu diras aux Belges qu'il arrête de m'appeler quand l'Algérie perd. J'ai reçu le texto, je l'ai lu, j'ai éteint mon téléphone. Il n'a pas appelé gagner. Ah, il a fait ce que j'ai je vais demander, Cédric. Ah, mais grave. Cédric, je lui fais, appelle l'Alger, appelle l'Algérino. Ah, mais il est en Algérie en plus, hein. Donc, je l'ai appelé, j'envoie des messages. J'ai pas regardé ça. J'ai alors, tu fais moi le malin, mon pote. Tu m'appelleras jeudi si on est qualifié. Voilà. Ok? Ok, pas de problème, c'est noté. On se donne rendez-vous jeudi si l'Algérie se qualifie. Allez, ça marche. Mais du moins, vous avez fait un beau match déjà, c'est bien. Bien sûr, frérot. On va se qualifier. Bien sûr. Ça va bien se passer. Serein. 1, 2, 3, vive l'Algérino. Exactement. Bisous, la famille, à toutes. Eh ben, salut. Bisous. La Monster Party continue demain. Oui, bien sûr. sûr. Ça démarque. Ça démarque. Demain, pas loupé. Et tu sais, par contre, non, y a, ah non, on est mardi, il n'y a pas de clash ce soir, pardon. Non, et non. Mais demain. Non, parce que là, il y a une technique à faire, c'est la technique Suarez, Cédric. Ah, tu mords ton adversaire. Mords l'épaule. Il faut aller mordre direct Romano, quoi. Pas cool, Suarez, l'attaquant du, de l'Uruguay qui a mordu. Cannibal, il est encore mordu là sur le match. Il arrête pas, j'ai pas vu ça, moi. Non, culé, lui, quand même. Il meurt. Et ça lui était déjà arrivé en Angleterre, tu sais. Ouais, c'est cannibal. C'est la deuxième fois qu'il mord. Voilà. Bon, ben, on y revient dans un instant, là. On va parler de tout ce que vous voulez tout au long de la soirée. On aura Porcelain Black qui débarque avec nous ce soir. La radio libre démarre tout de suite. Dans 5 minutes. Non, même pas. Ouais, même pas. Oh, ouais. Une minute. Allez, ouais, ouais. Une minute. Tout de suite. Pas plus. Donc, tout de suite, on arrive. Avec Ed Sheeran et Nekfeu pour démarrer la soirée. Et vous tous en direct, vous nous appelez dès maintenant. Hein. 01 53 40 30 20, vos messages et tout le reste. Et Planète Rap demain, le retour. Ciao. Ciao. Envie de mater la Coupe du Monde 2014 avec un nouvel écran.